ta présence pleine d'amour et de force. Ton alarme a battu une nouvelle fraîcheur, des sons, oh, plus abondantes, coule à flot dans notre vie. Comme le chant de